avec après toutes les excuses que je peux vous présenter pour avoir commencé ainsi ce cours, je vous bats quelques explications. Pourquoi commencer un cours sur subjectivité et vérité? Bon, vous direz que, d'une part, tout le monde le sait, que je n'ai pas cessé de le dire, de le ressasser, de le répéter. Je commence à y en avoir un petit peu assez. Étant donné ce que sont ces discours, dans leur contenu et dans leur forme, étant donné ce que sont les liens d'obligation qui nous lient à ces discours de vérité, eh bien, quelle expérience faisons-nous de nous-mêmes dès lors que ces discours existent? Et quelle expérience, l'expérience que nous avons de nous-mêmes, se trouve-t-elle formée ou transformée par le fait qu'il y a quelque part dans notre société des discours qui sont considérés comme vrais, qui circulent comme vrais, et qui sont imposés comme vrais à partir de nous-mêmes en tant que sujets. Quelque part, des discours considérés comme vrais, qui circulent comme vrais, et qui sont imposés comme vrais, quelle contrainte ou quelle libération produit sur le sujet la reconnaissance du fait qu'il y a sur lui une vérité à dire, une vérité à chercher, ou une vérité dite, ou une vérité imposée. On peut dire que la chimère d'un langage sans point aveugle, d'un langage sans grille, a constitué, depuis le XVIIIe siècle, le projet de toute littérature. Toute littérature spéciale. Or, voici ce que je veux dire. Il est bien probable que chaque groupe humain, quel qu'il soit, découpe toute littérature. Découpe spéciale, quel qu'il soit. On ne vit pas dans un espace neutre et blanc. On ne vit pas, on ne meurt pas, on n'aime pas dans le rectangle d'une feuille de papier. On vit, on meurt, on aime dans un espace quadrillé, découpé, bariolé. Il est seulement, et pourtant, il y a des différences de niveau, des marches d'escalier, des creux, des bosses, des régions dures et d'autres friables, pénétrables, poreuses. Il y en a qui sont en quelque sorte absolument spécial, quel qu'il soit. Pourquoi, quand on est fait pour aimer les choses et les gens, pourquoi on vit, on meurt, on aime? C'est avoir un certain rapport au langage. C'est ne pas pouvoir parler sans que cette parole parle. Il y a cependant un problème. Parler pour retrouver le langage perdu. Eh bien, je rêve d'une science, et je dis bien une science, qui aurait pour objet ces espaces différents, ces autres lieux, ces contestations mythiques et réelles de l'espace où nous vivons. Cette science étudierait non pas les utopies, puisqu'il faut réserver ce nom à ce qui n'a vraiment aucun lieu, mais elle étudierait les hétérotopies, les espaces absolument autres. L'énoncé de la vérité n'ouvre aucun risque si vous ne l'envisagez que comme un élément dans une démarche démonstrative. Et bien précisément parce que si vous ne l'envisagez que comme en tant que il y avait eu un développement d'une certaine culture de soi qui avait pris à ce moment-là de telles dimensions qu'on pouvait parler d'un véritable âge d'or de la conduite de soi et de la culture de soi, et que dans cette culture de soi, dans ce rapport à soi, on avait vu se développer toute une technique, tout un art qui s'apprenne et qui s'exerce. Pourquoi, quand on est fait pour aimer les choses et les gens, pourquoi, quand on ne peut imposer ni détour, ni délai à ses affections, utiliser, vouloir utiliser tous les jeux hypocrites de l'écriture. On peut dire que la chimère d'un langage sans point aveugle, d'un langage sans grille, a constitué, depuis le XVIIIe siècle, le projet de toute littérature. Il y a vraisemblablement dans toute littérature, dans toute civilisation, dans toute société, il y a en tout cas dans notre culture, dans notre civilisation et dans notre société. Toute littérature. Arriver au savoir, vous savez, on est dedans. On est dedans. Moi, je dirais que, finalement, vous savez, quelqu'un comme moi, c'est-à-dire appartenant, né dans la petite bourgeoisie de province, est-ce qu'on n'a pas été élevé, biberonné au savoir, avant même l'école primaire, tout un milieu dans lequel la règle d'existence, la règle de promotion, c'était d'en savoir un peu plus que l'autre, d'être un petit peu meilleur en classe. J'imagine même de mieux sucer son biberon qu'un autre, d'avoir fait ses premiers pas avant un autre, etc. Je vous dirais, si je dis que j'ai barboté dans le savoir, c'est dans la mesure où, au fond, j'aimerais plutôt essayer de m'en débarrasser. Ce que les hommes font lorsqu'ils parlent. Vous avez, à une époque donnée, par exemple, des techniques industrielles très poussées et en même temps, au même moment, des pratiques artisanales qui sont encore très archaïques. Eh bien, je crois que, de la même façon, l'univers du discours, l'univers du savoir, constituent un univers qui est loin d'être homogène et qui est plein de ruptures, de discontinuités, de décalages, de dénivellements. Ce que les hommes font lorsqu'ils parlent. Je ne veux pas dire, bien sûr, que la pratique du discours soit entièrement indépendante et des pensées des hommes et des pratiques sociales, politiques et économiques. La pratique du discours est certainement articulée sur les unes et sur les autres, mais je crois qu'elle a tout de même sa spécificité. Ce que je veux faire, c'est la description, en quelque sorte, des formes de discours et des fonctionnements du discours dans une civilisation. Ce que les hommes font. Et ces formes de discours, ce fonctionnement des discours est à la fois différent des pensées, de ce que les hommes vont penser, et différent aussi des pratiques sociales, économiques, politiques qui peuvent caractériser une civilisation. Et alors maintenant, soyons plus précis. Là encore, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Mais plutôt, paradoxalement, puisque finalement, il est seulement. Et pourtant, il y a ce qui existe d'abord, ce qui existe premièrement. Quelles que soient les différences fondamentales. Ce qui existe, je crois, d'abord, c'est leur différence. En fait, ce qui fait problème, c'est ceci. C'est qu'il y a cet espace vide où ils se séparent et où, par conséquent, ils viennent à se heurter, à se rencontrer. Vous voyez, par conséquent. Tout le monde s'écarte, prend ses distances, l'espace se creuse, c'est un fossé d'abord, bientôt un abîme. L'objet d'un rejet systématique, fondamental et à peu près constant. Elle est... Et tout comme, après tout, il y a, en effet... Je me fais un peu l'effet du type qui aurait fait la plongée, qui était dans sa cloche entre sable et rocher. Et puis voilà que maintenant, la mer, les bas-fonds remontent. Et ce que je voudrais vous montrer ce soir, il y a vivant par lui-même, fermé sur soi, libre en un sens, mais livré fatalement à l'infini de la mer. De bordée en bordée. Il y a doucement, anxieusement, cloué sur place, borné, figé, transparent, tranquille, pathétique, un peu incohérent, contradictoire et prisonnière. Ou interdit, comme nous-mêmes d'ailleurs. Alors, dessin, couleur, diadème, tiare, vêtements, uniforme, tout cela fait épanouir sous une forme sensible et bariolée les utopies scellées dans le corps. Mais peut-être faudrait-il descendre encore au-dessous du vêtement. Peut-être faudrait-il atteindre la chair elle-même. Et alors on verrait que, dans certains cas, à la limite... Regarder, être regardé, croupir. Comme avec ces choses de tous les jours que finalement je ne vois plus et que la vie a passé à la grisaille. Comme avec ces cheminées, ces toits qui moutonnent chaque soir devant ma fenêtre. Je ne vois plus. Le champ d'objets. Capter, disqualifier. Que la phénoménologie. Capter, disqualifier... Parcourait. Était, je dirais, un peu prédéterminé. Capter, disqualifier... Fermer, mépriser, vilipender... Beau, limpide, transparent, lumineux, véloce. Colossal dans sa puissance, infini dans sa durée. Délié, invisible. Protégé. On peut supposer en tout cas qu'il y a une certaine homogénéité dans la conscience des hommes. On peut toujours supposer que dans leur discours, il y a une sorte de cohérence. On peut toujours supposer qu'il y a comme un foyer unique dans l'existence et le discours et le savoir des individus. Toujours transfiguré. L'objet d'un rejet systématique, fondamental et à peu près constant. Et d'un autre côté, mon corps, topi impitoyable. Codification des actes, codification des rapports, codification des pensées, codification des désirs et des tentations, codification dans le mariage et hors du mariage, codification autour... de l'extraordinaire, de l'immense famille des incestes qui a été définie dans le haut Moyen-Âge, codification autour de la limite supposée, cherchée, jamais bien fixée, mais toujours... Soyons plus précis. De la contre-nature. Cette explication depuis si longtemps attendue et promise. Se fait dans la forme de la législation, qui se fait aussi dans la forme de la loi. Soyons plus précis. Quelles que soient les différences fondamentales de code. Que nous soyons victimes dans ces analyses d'une illusion de code, il y a, je crois, à cela un certain nombre de raisons, et très précisément une raison historique. La question ainsi formulée, vous le voyez, et j'y reviendrai tout à l'heure, une question fondamentalement historique. Je dirais que c'est une question de fait. Il y a vraisemblablement dans toute culture, dans toute civilisation, dans toute société. Il y a en tout cas dans notre culture, dans notre civilisation et dans notre société, un certain nombre de discours qui, indépendamment, et je ne poserai pas cette question-là, et indépendamment de leur valeur universelle de vérité, fonctionnent, sont admis, circulent, ont le poids de la vérité et sont admis pour tel. Discours vrai qui concerne le sujet. Dans notre culture, dans notre civilisation, dans une société comme la nôtre, il y a un certain nombre de discours qui sont institutionnellement ou par le consensus reconnus comme vrais à partir du sujet. Mais évidemment, ce n'est pas ça l'essentiel. Plus précisément, on peut dire. Et que l'acte sexuel, avec le rapport sexuel, le rapport social, de sorte que rapport social et rapport sexuel sont au fond, de même type, de même catégorie, relèvent d'une éthique absolument continue, dans la mesure où ce sont des réalités de même type. Le social et le sexuel ne sont pas distingués, se déroulent aussi sur un théâtre et avec des personnages qui sont sexuellement, qui sont socialement marqués. Épistémologie du bavardage, si vous voulez. Contrairement à ce qu'on pouvait croire, les discours n'étaient pas faits d'un entrelacement de choses réelles avec des mots arbitrés, entrecroisés avec la trame de notre vocabulaire, qui était en quelque sorte extérieur. Lentement, très lentement, les mots vont commencer à jouer leur rôle, mais tout bruissant de mots qui sont l'envers de son propre langage. Partout un jeu de cases noires et de caches, le langage fait surgir un sens, mais il ne laisse qu'une lumière discontinue, barrée et prisonnière. Mais ce langage, ou plutôt cette entreprise, glisse hors de sa maîtrise et, pivotant sur elle-même, se retourne contre lui, prononcé maintenant par un autre. Bornée, figée, transparente, tranquille. Une pure transgression. Flotte comme des fragments de langage qui n'auraient ni origine ni adresse. Ce n'est pas exactement comme on pourrait se l'imaginer. Mieux décoré, plus facilement reconnaissable. Se tatouer, se maquiller, se masquer, c'est sans doute tout autre chose. Il y aurait comme un masque salutaire, secret, sacré. Ah oui, mais là, vous me faites jouer à un jeu qui est un peu trop difficile pour moi. Vous savez, j'ai l'esprit simple, je m'étais posé à moi-même. Un masque salutaire que l'on porterait pour donner à son discours, en quelque sorte, l'innocence et la naïveté de la vérité. Et si, au moment où j'allais répondre à ma propre objection, vous m'en faites une plus grave et plus sérieuse, qu'est-ce que je vais venir ? Alors, si vous voulez, je réponds à moi. Question. Et je préfère à la limite en dire un petit peu moins que de dire quelque chose qui serait exactement ce que je voudrais dire, mais qui se trouverait n'être pas accessible pour telle ou telle raison au public. Peut-être, en ce sens, toutes les entreprises pour faire parler le monde, que ça s'appelle le savoir ou la littérature, ont une profonde parenté avec la paranoïa. Est-ce qu'après tout, on aurait l'étrange idée de prêter son langage aux choses et aux hommes si on n'était pas obscurément persécuté? Le second postulat contre lequel je me bats, c'est, si vous voulez, le postulat que les paroles, c'est du vent. Que les paroles, ça n'existe pas, ou ça n'a presque pas de consistance, que les paroles, c'est une sorte d'écume sur l'océan de l'histoire, ou encore que les paroles, ce n'est rien de plus que le reflet transitoire, fragile, précaire, immédiatement effacé, de choses qui, elles, sont sérieuses et solides et qui ne sont pas des paroles. Or, ce que je voudrais montrer, c'est que les hommes font quelque chose quand ils parlent. Même, et surtout peut-être, alors. Ce que Nietzsche a d'abord éprouvé, ça a été cette maladie dans cette extériorité physiologique, à laquelle d'ailleurs il a prêté un sens très précis. Il a montré, et c'est d'ailleurs fort intéressant, il a montré que c'est à partir de son affaiblissement physique qu'il a pu arriver à prendre sur toute la culture et la société qui l'entourait ce point de vue si altier, si hautain, qui était le sien. Parce que, curieusement, il faisait de la maladie physique, des souffrances de la maladie, une sorte de ferment spirituel, de ferment intellectuel, qui surprend un peu quand on songe à la manière, par exemple, dont il a montré la naissance des sociétés démocratiques. Comme si la maladie de Nietzsche venait dénouer ce que la maladie de l'esclave, la faiblesse de l'esclave, avait noué il y a plusieurs millénaires. Bon, vous me demandez quelle relation ? Est-ce qu'on peut en établir la table ? Bien, les relations sont évidemment extraordinairement nombreuses. Elles se modifient d'ailleurs, elles se compliquent, elles s'enrichissent, elles se précisent, par exemple tout au long du 19e siècle et tout au long encore du 20e siècle. Quand on fait l'amour, eh bien, on met en jeu des relations de couple. Imaginez que les gens aient une frénésie de savoir, comme ils ont une frénésie de faire l'amour. Ne pas tenir compte de ces relations de pouvoir, les ignorer, les laisser jouer à l'état sauvage, ou les laisser au contraire